بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة. لفضل profitable dans le توحيد la jurisprudence et la aqida. Par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نعم، ففي درس السابق أخذنا شيئا مما يتعلق بأحكام الإيمان والإسلام وغير ذلك. On a pris ce qui était la définition de la foi. Nous avons pris également ce qui était Darajat Maratib al-Din, et on a pris également ce qui était Yani Arkan al-Islam, les piliers de l'Islam. Wa mazalna fi ma yatalaq fi mawdu al-Iman, toujours dans le sujet de la foi. Al-Yum sayakoul fi al-Mas'ala al-Thaminati wa 20. Fa'idha qila lak kam Arkan al-Iman. Combien de piliers dans la foi? L'Iman mabni ala arkan, misl l'Islam. L'Iman également est bâti sur des piliers, tout comme l'Islam. Nous avons dit que l'Islam, s'il est cité seul, cela inclut l'Islam et l'Iman. Et lorsqu'on cite l'Iman tout seul, cela inclut l'Islam et l'Iman également. Et lorsqu'ils sont cités communément, l'Islam représente les actes apparents. Hein? Les deux attestations, ainsi que la salat, la zaka, et autres parmi les actes apparents. Ou l'Iman, s'il est cité communément avec l'Islam, lui, cela inclut les actes intérieurs. Al-amal qalbiya. Donc si on se demande, combien y a-t-il de piliers dans la foi? Faqul sittatu arkanin, wa dalilu hadith Umar ibn Khattab, في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. Donc la preuve de cela, c'est que يعني les piliers de la foi sont de 6. Le cheikh cita Hafizallahu ta'ala, et la preuve c'est le hadith de Omar ibn Abdul Khattab dans le Sahih de Muslim, le fameux hadith Tawil min Jibril, hadith Jibril. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam fut interrogé par Jibril au sujet de la foi, qui lui répond que tu crois en Allah et en ses anges, et en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, et que tu crois au destin, bon ou mauvais. Il dit alors, tu as dit vrai. Et ce hadith est également muttafaqun alayhi par Abu Huraira fi riwayatin ukhra. Également qabla hadha fi qawlillahi ta'ala laysa al-bir an tuwallu wujuhakum kibra al-mashriq wal maghrib walakin al-bir man amana billahi wal malaikati wa kitab wal nabiyyin. Que la foi ou la piété ne consiste pas à tourner au visage à l'Occident et en Orient, cependant, la piété consiste à croire en Allah, et aux anges, et aux livres, et aux prophètes. Wa zada fi ayatin ukhra min qawli Allah ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Et toute chose, nous l'avons créée avec à juste mesure, yani avec prédestination, par le destin. Wa hadhihi hiya al-adilla min al-kitab. Il s'agit là des preuve de ces piliers dans le Coran. Donc la foi en Allah, nous en avons déjà parlé. Il s'agit de croire en Allah, en sa présence. Al-Iman bi rububiyati, en sa seigneurie. Bi uluhiyati, en sa divinité, qu'il est le seul qui mérite adoration. Wa bi asma'ihi wa sifatihi, et ses noms et attributs. Naam. Yani aqsam tawhid thalatha. Également, croire en ses anges. وقد تكلمنا حول هذا également que les anges sont des créatures créées de lumière et que pour la plupart d'entre elles ont été désignées pour des tâches spécifiques. Minhum Jibra'il également yuqal Jibril alayhi salam qui est celui qui est chargé de descendre la révélation. Et autres parmi les anges qui sont des créatures à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la capacité de changer d'apparence, de pouvoir prendre la forme humaine. Comme le prouve ce hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu sous l'apparence d'un homme pour enseigner aux sahaba leur religion. Et l'imène bikutobi, croire en ses livres, tous, jumlatan wa tafsila, dont certains ont été nommés et d'autres non. Ce point également a été évoqué déjà auparavant. Et que l'origine, c'est que chaque prophète, ou plutôt chaque messager, anakul rasulin yati bikitab, que chaque messager vient avec un livre. Et certains ont été nommés dans le Coran et d'autres non. Mithl al-Injil li Isa alayhi salam, wa at-Tawra li Musa alayhi salam, wa az-Zabur li Daoud alayhi salam, comme ce livre qui est l'Injil qui a été nommé l'Évangile, qui est venu avec Isa. Et également Tawra qui est venu avec Moussa, également Az-Zabur qui est venu avec Daoud alayhi salam, yani qui a appelé les psaumes. Tous ces livres-là, qu'ils aient été nommés ou non, nous y croyons tous, qui sont des livres célestes provenus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Al-Iman bi Rusuli, ces messagers, tous, la nufarriku bin ahadim min Rusuli, nous l'avons pris, qu'il n'est pas permis de croire en des messagers, mais croire en d'autres. Nous devons tous y croire. Du premier, qui est Nuh, alayhi salatu wa salam, au dernier, qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa salam, celui qui nous est obligatoire de suivre, jusqu'à la fin des temps. Naam. Également, Al-Iman bi yawm al-qiyamah, le jour du jugement, où ils seront tous jugés. وَكَذَلِكَ al-qadar, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et nous l'avions dit, mauvais en apparence pour le serviteur. أَمَنْ لِلَّهِ فَوَا لَوُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةِ وَأَلَيْسَ فِي قَدَرِهِ إِلَى خَيْرِ لِلْخَرْقِ, que ce destin ne contient que du bien par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa création. Et le mal n'est qu'un autre point de vue à nous en tant que créature. Des choses qui pourraient nous arriver, hein, et nous paraître comme étant des peines et des afflictions. Cependant, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que du bien derrière ce qadar. Naam. Fahadi arkan sitta ya arkan l'iman. Que ces six piliers sont les piliers de la foi, et que le fait d'en croire en un seul amènerait à ce que la foi s'écroule et ferait de la personne un kafir. Car la base de ce hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam, c'était que deux hommes sont venus voir Abdullah ibn Omar pour l'informer de l'existence des qadariyya, des gens qui nient le qadar. Donc lui, il a rapporté ce hadith de son père, et dedans il dit à ces gens que tant qu'ils ne croiront pas au qadar, même s'ils dépenseraient la valeur de Uhud en or, que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepterait pas d'eux, car ils seraient des mécréants. Et qu'il est فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّنِي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءٌ مِنِّي, et informez-leur que je suis innocent d'eux et qu'ils sont innocents de moi. C'est-à-dire, lui les a kafar, il les a rendus mécréants, du simple fait qu'ils aient renié le qadar, le destin. Donc le fait de renier, de ne pas croire en Allah, cela est une chose qui est claire. Ne pas croire en ses anges, ne serait-ce qu'un seul, après qu'un texte véridique soit venu sur lui, cela également, ne pas croire aux anges. Ne pas croire en ses livres, ne serait-ce qu'un seul de ses livres, cela amène à s'opposer à la foi. Et également ses messagers. Et au jour dernier, ainsi qu'au destin. Tels sont les piliers de la foi. Naam. Thumma qal, hafizallahu ta'ala. Fa'idhi qila lak, ma ta'alifu l'ihsan bina al-abd wa rabbi. Si on te demande, quelle est la définition de la perfection entre le serviteur et son Seigneur? Une perfection ou excellence? فَقُلْ هُوَا أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مُسْلِمِ. Donc c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne peux le voir, alors lui te voit. comme cela fut rapporté dans le hadith de Omar ibn Khattab, fi Sahih Muslim. Yani hadith Jibril, nafs hadith. On voit que ce hadith revient fréquemment dans ce chapitre qui est lié à la foi et à ses piliers, ainsi qu'à l'islam. Car il est un des dalils, des plus grands dalils dans ce chapitre. Hein? Il est l'un des plus grands dalils dans ce chapitre. Et global, il englobe les points principaux par rapport à l'islam, par rapport à l'imène, par rapport à l'irsen, ce genre de choses. Donc de là, cette irsen, c'est-à-dire que l'irsen, là il parle de l'irsen qui est entre le serviteur et son seigneur. Bien que l'irsen peut être entre pour le serviteur envers lui-même ou envers les autres serviteurs, également envers les autres créatures. Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Que certes Allah est avec ceux qui craignent et ceux qui sont bienfaisants. Et donc cette irsen, Allah l'a ordonné à ses créatures, à ses serviteurs. Comme qu'a dit Ta'ala, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Soyez bienfaisants car certes Allah est avec les bienfaisants. Wa qala Ta'ala, inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Que certes, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'équité ainsi que la bienfaisance et les liens de parenté. Ou également, comme a dit fi hadith Shaddad ibn Aws marfou'an, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay. Al-hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah a prescrit la bienfaisance sur toute chose. Fa idha qataltum fa'asnu al-qitla, et que si jamais vous tuez, alors tuez bien. Vous zabahtum, fa'asnu al-zibha, et que si jamais vous égorgez, faites un sacrifice, faites-le bien, ainsi de suite. Dans toute chose, l'irsen a été prescrite. Mais la principale irsen qu'il y a, c'est celle qui est entre le serviteur et son seigneur. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et que si tu ne peux le voir, et certes tu ne pourras le voir en ce bas monde, alors sache que lui il te voit. Inna Allah basir. Allah est celui qui voit tout, toute chose. Et que cette irsen amènera le abd à faire preuve de plus d'ikhlas et d'istikama. Cela le rendra plus sincère, car il sait que Allah le voit, et plus de droiture. Également plus de crainte, plus de peur de lui-même et d'espoir. Car il sait que son Seigneur le voit. وَهَذَا مِنْ أَدِلَى الْمُرَاقَبَةِ مِنْ أَدِلَى الْمُرَاقَبَةِ Le fait de savoir qu'Allah te voit en toute situation. الَّذِي يَرَاكَ حِنَّ تَقُومُ وَتَقَلَّبُكَ فِي سَاجِدِينَ Que en toute situation, Allah te voit. Et que ses actions seront elles-mêmes. Tu seras jugé pour tes actions, يوم القيامة. Et cette irsen également a lieu, comme nous l'avons dit, entre les serviteurs entre eux. Que les muslimoun doivent être bienfaisants les uns envers les autres. Et même envers les animaux. Et des adilés sont venus. Que même les animaux, il n'est pas permis de les maltraiter. De ne les faire travailler que dans ce qu'ils supportent. De les nourrir. Comme a dit le hadith, « Tilka al-mar'a lati dakhalat al-nar fi hirra » Comme cette femme qui est entrée au feu pour cause d'une chatte, qu'elle n'a pas voulu nourrir. Et qu'elle n'a pas laissé sortir pour qu'elle se nourrisse elle-même. Le résultat de ces actes ont été quoi? Qu'elle fut elle-même vouée à entrer au feu. Naam. Naam. Fa, hadha huwa, kana al-yawm kana khurasa bima qad mada. Qu'aujourd'hui, cela était comme une forme de récapitulatif de ce qui a été cité dans les autres cours précédents. Maya arkan al-iman, fa idha qila lak, kam arkan al-iman. S'il te dit combien de piliers pour la foi, bah, elles sont de 6. Al-iman billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusuli, wa yawmil akhir, wa bi qadri khayri wa sharri. Et également, al-ihsan. Ma wa ta'lif al-ihsan, fa idha qila lak, ma ta'lif al-ihsan, bayna al-'abd wa rabbihi, quelle est la définition de l'ihsan entre le serviteur et son seigneur, fa qul an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Et les deux, mas'ala, leur preuve est le hadith de Jibril, rapporté par Omar, عند الإمام مسلم وعند عن أبي هريرة متفقون عليه نعم فبهذا القدر نكتفي ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحية دمار أفاق وانكم